Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Quarante ans après, les plaies ne sont toujours pas cicatrisées et les fantômes de l'indépendance hantent toujours le pays. Je veux parler du Bangladesh, un petit pays surpeuplé qui ne fait la une des journaux que lorsqu'il est atteint par une nouvelle catastrophe, typhon, inondation, ou encore, comme il y a peu, ce gigantesque accident dans une usine textile où ont péri un millier d'ouvrières et d'ouvriers. Le Bangladesh, donc, un pays qui est devenu indépendant en 1971 dans le sang et le tumulte, et qui, aujourd'hui encore, vit avec le souvenir de cette naissance dans la douleur qui a causé la mort de centaines de milliers de personnes, et peut-être même entre 2 et 3 millions de Bangladais. Car on l'a vu encore très récemment, les élections qui viennent d'y avoir lieu et qui ont causé la mort de 18 personnes ont été rythmées par la mémoire de ces événements sur lesquels M. X a décidé de revenir. Car ils mettent aussi en évidence le cynisme des grandes puissances qui ont parfois armé le bras des assassins. Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh. When the sun sinks in the west, die a million people of the Bangladesh. Which nations stand, which say to sacrifice a people for a land. Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh. When the sun sinks in the west, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1971, alors qu'on massacrait au Bangladesh, André Malraux avait lancé un appel à la formation de brigades internationales. Oui, comme pendant la guerre d'Espagne. Exactement. Hein. Alors bien sûr, on s'était un peu moqué. Oui, mais essentiellement, je me souviens, parce que Malraux était alors un vieux monsieur. Oui, bon, au moins l'ancien ministre du général de Gaulle a eu le mérite d'attirer l'attention de l'opinion occidentale sur une guerre qui ne la préoccupait guère. Alors, bien sûr, bon, je vais revenir sur la genèse de ce terrible conflit. Mais auparavant, quelques chiffres, si vous permettez. Malgré sa faible superficie, un cinquième de celle de la France, le Bangladesh, avec 155 millions d'habitants, est le huitième État le plus peuplé du monde. Oui, cette surpopulation est parfois dramatique. Oui, hein. Surtout quand le pays est frappé par des catastrophes naturelles. Oui, ce qui arrive régulièrement. Et le réchauffement climatique risque là-bas d'aggraver encore la situation. Le Bangladesh est en effet situé dans le delta plat et extrêmement bas, formé par la confluence du Gange et du Brahmapoutre. Conséquence, la plus grande partie du Bangladesh se trouve à moins de 12 mètres au-dessus du niveau de la mer et un dixième du territoire est même en dessous du niveau de la mer. Oui, il est donc très souvent inondé. Hein. Oui, car un cinquième seulement du pays est réellement protégé. Et à chaque fois, ces inondations cycliques engendrent des famines et des maladies. Oui, on a envie de dire un pays maudit. Et comme si ça ne suffisait pas, cette population, souvent misérable, subit l'exploitation d'un patronat du textile corrompu, avec la complicité des grandes enseignes occidentales comme Zara ou Promode. On a même parlé, d'une forme d'esclavage. Où les travailleuses sont entassées dans des bâtiments fragiles. Et quand ils s'écroulent, comme à Dhaka en avril 2013, c'est la catastrophe. Et des centaines de morts. Hein. Alors les grandes marques promettent de ne plus travailler avec ces patrons esclavagistes. Mais vous savez ce que valent ces promesses. Elles sont vite oubliées. Alors maintenant, l'histoire du Bangladesh et les conditions dans lesquelles il a conquis son indépendance. Le Bangladesh, si j'ose dire, c'était un morceau du Pakistan. Oui, mais un morceau situé à plus de 1700 km de la partie principale, située à l'ouest. Et c'était une situation aberrante. Et dès l'origine, on pouvait imaginer qu'elle ne pourrait perdurer. En 1947, vous le savez, le colonisateur britannique accorde son indépendance à l'Inde. Et sous la pression des nationalistes. Hein. Essentiellement, les membres du parti indépendantiste, le Congrès national indien. Ça, c'est le parti créé par Gandhi. Et dirigé, après l'assassinat de celui-ci, par son disciple, Nehru. Ce que veulent ces indépendantistes, c'est construire une Inde unie, démocratique et laïque. Cependant, un autre parti de libération a émergé, la Ligue musulmane, dont le leader Ali Jinnah prône la théorie des deux nations. Oui, selon des critères religieux. On assiste donc à la partition de l'Inde et à la création du Pakistan en août 1947. Le Pakistan qui est donc lui-même formé de deux parties. Oui, enfin deux zones musulmanes distinctes et donc séparées par 1700 km. D'un côté, le Pakistan occidental, c'est-à-dire le Pakistan actuel et le Pendjab. Et de l'autre, le Pakistan oriental, qui est alors la province du Bengale. Et qui deviendra le Bangladesh. Et lorsqu'on regarde une carte de l'époque, on a l'impression que ces deux Pakistans forment une pince de crabe qui enserre le nord de l'Inde. Il faut ajouter que cette partition du sous-continent indien a donné lieu à d'énormes et sanglants transferts de population. Oui, toujours selon des critères religieux. Les hindous en Inde et les musulmans au Pakistan. Mais enfin, passons. Si ce double Pakistan paraît d'emblée assez peu viable, c'est aussi à cause du déséquilibre démographique entre les deux parties. En 1947, par exemple, les Bengalis sont déjà 44 millions, alors que le nombre total de Pakistanais est de 69 millions. Alors les Bengalis sont donc largement majoritaires. Et pourtant, ils vivent sur un territoire beaucoup plus exigu. Et surtout, le siège du pouvoir se trouve véritablement à l'ouest. Alors au fond, seule la religion unit ces deux parties pakistanaises. Oui, car on n'y parle même pas une langue commune. C'est d'ailleurs cette question de la langue qui va mettre le feu aux poudres. Et très vite après la proclamation de l'indépendance. Dès le mois de septembre 1947, un opuscule circule à Dhaka. Il propose que le bengali soit choisi comme langue de l'enseignement, de la justice et de l'administration du Pakistan oriental, tandis que l'ourdou et le bengali seraient utilisés conjointement à Karachi. C'est-à-dire au Pakistan occidental. Mais le Premier ministre, Liaquat Ali Khan, s'y oppose sous le prétexte de protéger l'unité du pays. Aussi, l'année suivante, on voit naître un comité d'action pour la langue nationale qui lance un appel à la grève générale. Mmh. Réaction du pouvoir ? C'est la répression. Et le premier chef d'État pakistanais, Mohammed Jinnah, décide que l'ourdou sera la langue de tout le Pakistan. Seule concession, le bengali pourra être la langue officielle dans la seule province bengalie. À cela s'ajoute un autre affront. L'alphabet utilisé depuis toujours est dérivé de l'écriture brahmi, proche du sanskrit et de l'hindi, et remplacé par un alphabet arabo-persan. Ce changement brutal est inacceptable pour les étudiants et les intellectuels du Bengale, car cette mesure les coupe de la riche littérature locale qui remonte au XIe siècle. Mmh. Ce sont donc essentiellement là des revendications culturelles. À cela s'ajoute, pour la partie orientale, une dégradation de la situation économique. On observe des disettes dans les campagnes. Elles sont aggravées par l'état lamentable des infrastructures. Les paysans manifestent en masse, et seule la répression policière leur répond. Alors que le déséquilibre entre les deux Pakistans s'accroît. Les responsables politiques sont pratiquement tous issus de la partie ouest. Ils ne se sentent donc pas concernés par la détresse de la partie orientale. Et de la même façon, ils n'ont jamais pris au sérieux les revendications linguistiques des Bengalis. Mmh. Alors ceux-ci sont donc gouvernés par l'ouest. Où sont situées la plupart des grandes administrations. Un seul chiffre. En 1955, sur 900 officiers supérieurs, 14 seulement sont bengalis. Et cette dépendance est aussi forcément économique. Aussi voit-on monter à l'Est une revendication autonomiste. C'est-à-dire autonomie de l'Est par rapport à l'Ouest. Et donc l'institution d'un véritable fédéralisme. C'est ce que va exprimer un nouveau mouvement. La Ligue Awami qui rassemble tous les nationalistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Cette opposition politique est d'autant plus active que le nouveau premier ministre pakistanais, réaffirme que seul l'ourdou reste la langue nationale, alors que les locuteurs bengalis sont largement majoritaires. Mais comment s'exprime cette opposition ? En février 52, les Bengalis décrètent une journée pour la langue nationale. Le pouvoir interdit aussitôt les défilés et les manifestations. Mais comme les étudiants passent outre, la police réagit avec une extrême violence. Il y a des morts. Ça accroît la prise de conscience politique des Bengalis qui ont le sentiment, après avoir été colonisés par les Britanniques, de subir une nouvelle exploitation. Ouais, de la part des Pakistanais de l'Ouest. Et une exploitation qui est aussi économique. Et ils vont manifester avec éclat leur mécontentement. En 1954, lors des premières élections générales, ils se rassemblent au sein d'un front uni. Oui, qui comprend aussi cette ligue, là. La Ligue Awami, oui. Et le résultat est triomphal pour ce front uni qui remporte plus des deux tiers des sièges à l'Assemblée provinciale. Mais en dépit de ce succès spectaculaire, le pouvoir central ne cède rien. Un des leaders de la Ligue Awami, le charismatique Mujibur Rahman, est nommé ministre de la province. Mais 6 semaines plus tard, il est démis par le pouvoir central, ce qui provoque de nombreux incidents. Ceci vrai que le gouvernement se sent obligé de faire des concessions. Des concessions de quel genre ? En 1956, lorsque la constitution du Pakistan est enfin promulguée, le bengali est reconnu comme langue nationale, tout comme l'ourdou. Puis, un bengali, Hussein Sohrawardi, membre de la tendance droitière de la Ligue Awami, est même nommé premier ministre du Pakistan. Conséquence, cette Ligue Awami se scinde en deux. La fraction de gauche est dirigée par Maulana Bazani, qui veut allier islamisme et socialisme, et qui, curieusement, est hostile à l'idée d'autonomie et encore plus à celle d'indépendance. Bizarre. En tout cas, si je vous ai bien écouté là, on se dirige vers un statut d'autonomie. C'est en effet la pente naturelle. Mais tout espoir est anéanti avec le coup d'état militaire du général Ayub Khan en octobre 1958. Immédiatement, les leaders de la Ligue Awami sont arrêtés et toutes les libertés acquises depuis 2 ans sont supprimées. Retour en arrière. Et si Ayub Khan essaie de regagner la confiance des Bengalis en tentant de réduire l'écart de développement entre les deux ailes du pays, il est déjà trop tard. En 1962, la loi martiale est levée, mais certains hommes politiques sont empêchés de revenir dans l'arène, notamment ceux de la Ligue Awami. D'autre part, la nouvelle constitution donne au pouvoir exécutif le droit de nommer les gouverneurs et la possibilité de démettre à tout moment les assemblées et les gouvernements provinciaux. Alors le régime est donc dictatorial. Résultat, au Bengale, l'opposition se radicalise. Et on voit émerger non seulement l'aspiration à une démocratisation de la vie politique, mais aussi la revendication d'une autonomie économique. Mais ce qui va précipiter les événements, c'est en 1965 la deuxième guerre entre l'Inde et le Pakistan. Extrait d'un article de Jérémy Caudron, paru dans la revue Outre-Terre sur le mariage raté entre les deux Pakistans. L'élite vernaculaire du Bengale oriental, formée de professeurs et d'étudiants de l'université de Dhaka, s'incarna dès 1949 dans la Ligue Awami, parti régionaliste revendiquant une plus grande autonomie. Son leader, Sheikh Mujibur Rahman, allait mener la lutte des Bengalis jusqu'à l'indépendance. Alors que ses revendications portaient à l'origine sur la défense de la langue, la Ligue Awami s'orienta de façon beaucoup plus politique avec les élections de 1954. Les leaders bengalis opposèrent notamment à la théorie des deux nations, hindoues et musulmane, celle des deux économies. Les devises étrangères engrangées par les exportations du Bengale oriental, comme le jute, servaient en fait à financer l'industrialisation et l'importation de biens d'équipement dans l'aile occidentale. De fait, les indices de développement du Bengale oriental demeuraient largement en deçà de ceux du Pakistan occidental, alors qu'ils produisaient et exportaient plus que ce dernier. Bon, je n'entre pas dans le détail de cette deuxième guerre Inde-Pakistan, mais vous devez savoir quelles en ont été les conséquences sur la question qui nous intéresse. Les Bengalis ont soudain pris conscience de leur grande vulnérabilité. Ouais, face à l'Inde ? Oui, donc à leur revendication identitaire, ils ont rajouté celle de l'indépendance. Mais prudemment, sous l'égide de Mujibur Rahman, ils ont d'abord préparé un programme de large autonomie en 6 points. Et la diffusion de ce texte a aussitôt relancé l'agitation autonomiste dans tout le Bengale. Chez les étudiants, bien sûr, mais aussi chez les paysans et les ouvriers. Et à son habitude, le pouvoir militaire réagit très brutalement. Mujibur Rahman et plusieurs membres de la Ligue Awami sont aussitôt arrêtés. Et sous quel prétexte ? Ils sont accusés d'avoir reçu des armes de l'ennemi indien pour détruire le Pakistan. Mais lors du procès, en 1968, après 3 ans d'emprisonnement, les juges concluent au non-lieu faute de preuves. Cet épisode, comme vous pouvez l'imaginer, ne fait que renforcer la popularité de Rahman, qui tout au long du procès a été soutenu par une mobilisation massive, qui ne fait d'ailleurs que croître. Alors qu'en face, le pouvoir semble de plus en plus impuissant. Alors quelle réponse peut-il apporter au fond ? En désespoir de cause, Ayub Khan, en février 69, convoque une conférence réunissant tous les partis. Que cherche-t-il ? Il voudrait introduire le fédéralisme dans la Constitution. Mujibur Rahman accepte d'y participer, mais c'est un échec, car l'un des partis montants du Pakistan occidental, le tout nouveau PPP, le Parti du peuple pakistanais, de Zulfikar Ali Bhutto, refuse de s'y rendre, estimant qu'Ayub Khan trahit son pays. Bhutto qui appartient à une riche famille de propriétaires terriens de l'Ouest. Et finalement, en mars 1969, Ayub Khan renonce et démissionne, usé par 11 ans de pouvoir. Alors, qui le remplace là ? Le commandant en chef des armées, le général Yahya Khan, un homme dont l'alcoolisme est connu de tous. Pour commencer, il réinstaure la loi martiale, abroge la constitution de 1962, dissout les assemblées et annonce quand même, pour calmer le jeu, la tenue d'élections générales en décembre 1970 sur la base du suffrage universel. C'est important parce que le Bengale dispose d'une supériorité numérique. Les Bengalis vont donc obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale lors des élections de décembre 1970. Alors, c'est l'un d'eux qui devrait être appelé à diriger le pays comme Premier ministre. Naturellement. Il va en aller autrement. Auparavant, faut que je vous dise que les élections ont été précédées en novembre par le passage d'un terrible cyclone suivi d'un raz-de-marée sur toute la côte du Bengale. On comptera près de 350 000 victimes. Et les Bengalis, une fois de plus, se sont sentis abandonnés face à l'incurie des secours. Et ce drame a sans nul doute favorisé le succès électoral de la Ligue Awami. Donc vous avez laissé entendre que ce n'est pas un Bengali qui allait former le gouvernement. Ça aurait dû être Mujibur Rahman. Mais pour le président Yahya Khan et Zulfikar Ali Bhutto, dont le parti PPP a remporté le plus grand nombre de sièges au Pakistan occidental, il n'est pas question d'investir un Bengali. Car il les considère, lui et les siens, comme des citoyens de seconde zone. Et cette funeste décision va amorcer la catastrophe. Pourtant, Yahya Khan fait un geste. En mars 1971, il se rend à Dhaka pour négocier sur la base du programme des 6 points de la Ligue Awami. Négocier avec Rahman, donc. Et il lui promet la place qui lui revient, chef de gouvernement. Ça se passe plutôt bien. Un accord général est même annoncé. Et Bhutto, aussitôt, se déplace à Dhaka pour participer aux négociations. Mais c'est pour mieux les saboter. Il remet en cause tous les points litigieux qui venaient d'être réglés et refuse de signer le texte final. C'est donc la rupture. Oui. Aussitôt, Rahman appelle à la grève générale dans tout le Pakistan oriental et réclame désormais la création d'une confédération où zones orientales et occidentales auraient leur propre constitution. La partition est en marche. Suit le 23 mars, une grande manifestation des étudiants. Le drapeau du Bengale oriental est tissé, mais pas celui du Pakistan. 2 jours plus tard, Yahya et Bhutto reprennent l'avion pour Rawalpindi. Mais déjà la veille, une quarantaine de Bengalis ont été tués par l'armée. Et 100 d'autres blessés au cours d'incidents survenus dans les villes de Chittagong et Rangpur. Et la séparation va se faire dans le sang. Presque inévitablement. Et dans cette mesure, Bhutto, qui a adopté une attitude jusqu'au boutiste, porte une grande responsabilité dans les terribles événements qui vont suivre. Comment est-ce que ça commence Très vite. Yahya est à peine reparti que l'opération Searchlight est lancée. Dans la nuit même qui suit son retour. Searchlight regère de la lumière. C'est ça, oui. Ouais. Si ça débute immédiatement, ça signifie que l'opération était programmée. Et que malgré la bonne volonté apparente de Yahya, il y avait préméditation, oui. Et concrètement, alors? C'est l'administrateur de la loi martiale au Pakistan oriental, le général Tikka Khan, le boucher du Bengale, comme on l'appellera, qui est chargé de l'opération. A noter que ce général a été nommé la veille. Nouvel indice prouvant que tout avait été planifié de longue date. Oui, des milliers de soldats avaient déjà été acheminés au Pakistan oriental. Et en rien de temps, ils ont occupé tous les points stratégiques de la capitale, Dhaka. Il s'agissait d'enrayer toute contestation future des Bengalis, en utilisant des méthodes radicales. Toutes les personnes suspectées d'être favorables à la cause bengali et à la Ligue Awami sont systématiquement exécutées. Un massacre, donc. Archer Blood, le consul général états-unien de Dhaka, dira qu'il a vécu le mois le plus terrible de sa vie. Et je vous reparlerai de ce personnage qui n'était pas tout à fait un diplomate comme les autres. Mais si c'était prémédité, là, les nationalistes bengalis s'étaient peut-être eux aussi préparés, non? En tout cas, dès que les attaques ont commencé, ils ont dressé des barricades dans plusieurs villes. Dhaka, par exemple, brûlera durant 3 jours. Mais face à des soldats qui avaient reçu l'ordre de tuer le plus vite possible et par tous les moyens, il était difficile de résister. Sur le campus de l'université de Dhaka, les militaires se ruent dans les dortoirs. On y retrouvera 300 cadavres. Et c'est pareil dans les casernes de la police ou les forces loyalistes. Et bien sûr, les quartiers majoritairement peuplés d'hindous ne sont pas épargnés. Ouais. Vous avez parlé de barricades. Y a-t-il eu d'autres actes de résistance au cours de ces premiers jours? Oui. Les soldats et les officiers bengalis servant dans les régiments de l'armée ou dans la police, ceux en tout cas qui ont pu échapper au massacre, se sont ralliés à la cause indépendantiste. Ça veut donc dire que cette attaque surprise n'a pas réussi à étouffer le mouvement pour l'indépendance? Tout à fait. Alors dans un deuxième temps, le pouvoir central fait jouer les trompettes de la propagande. La rébellion serait organisée par l'ennemi de toujours. Et l'Inde? Ah, bien entendu. L'Inde avec l'aide d'ennemis de l'intérieur. L'objectif étant de démembrer le Pakistan. Et sans surprise, le pouvoir désigne ses agents de la subversion. À commencer par les 8 à 10 millions d'hindous qui vivent au Pakistan oriental. Tous sont considérés comme des agents indiens. Et plus naturellement, il y a la Ligue Awami qui, elle aussi, serait dominée par les hindous. Il y a donc là une dimension raciste et religieuse. Ah bah, cette propagande vise à diviser la population du Pakistan oriental. Ça marche? Malheureusement, oui. On assiste à la formation de milices alliées à l'armée pakistanaise au sein de la population civile. C'est-à-dire constituées d'individus qui souhaitaient le maintien du Bengale oriental dans l'entité pakistanaise. Oui, et qui participent au massacre des intellectuels et des membres de la Ligue Awami. Plus généralement, les progressistes et ceux qui sont attachés à la laïcité, sont éliminés en priorité. Ces miliciens sont par conséquent des supplétifs de l'armée pakistanaise. Et ce qui est préoccupant et empoisonne encore aujourd'hui le Bangladesh actuel, c'est que ces hommes massacrent au nom de l'islam. Avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. Gérard Busquet, seul journaliste français présent à Dhaka lors des massacres, témoigne ainsi. Je me suis rendu dans le quartier de l'université, l'un des principaux foyers de l'insurrection. Les bâtiments étaient vides. Des nuées de corbeaux planaient au-dessus des bâtiments, dont certains étaient lézardés par les marques de balles. Quelques corps se trouvaient encore dans les jardins. Mais nous savions que la plupart des corps des centaines d'étudiants et de professeurs massacrés par les troupes pakistanaises avaient été enterrés dans des fosses communes. Autre point de vue sur les événements qui ont précédé la répression, celui de la spécialiste France Bhattacharya. Il ne fait aucun doute que Cheikh Mujibur Rahman ne s'était nullement fixé pour but le démembrement du Pakistan. Il aurait souhaité une confédération qui eût préservé le Bengale oriental de la domination des militaires et des bureaucrates du pouvoir central et lui eût permis de suivre sa propre voie politique, économique et culturelle. L'intransigeance de ses adversaires politiques le poussa à accepter la direction du mouvement sécessionniste que la géographie et les différences culturelles entre les deux ailes favorisaient. Le pire n'était donc pas certain. Encore un mot sur ces milices islamistes et pro-pakistanaises. Leurs membres, les Razakars, ce qui veut dire volontaires en ourdou, étaient souvent des Biharis. Des Biharis, c'est-à-dire ? Des gens issus de la province du Bihar, le nord de l'Inde, et qui avaient fui en 1947 vers le Pakistan, et notamment au Bengale oriental. Ces ourdoufones n'avaient jamais été reconnus comme citoyens. C'était des apatrides, alors ? Qui avaient envie de se venger. On trouvait aussi dans ces milices des membres du parti Jamaat-i Islami, un parti opposé à la partition qui prônait un pouvoir central fort. Enfin, il y avait encore des militants d'autres partis islamistes. Et en face, alors ? Une armée de libération s'est peu à peu constituée, la Mouti Bahini. Elle compensait son manque d'entraînement par la ferveur. Et ces Freedom Fighters, ces combattants de la liberté, ont remporté quelques succès en prenant le contrôle d'une partie importante des districts éloignés du centre. Mais devant une armée pakistanaise disciplinée et équipée de chars et d'avions, la lutte était inégale. D'autant que, dans un troisième temps, le pouvoir a exercé des représailles collectives punitives. Est-ce qu'il signifie, hein ? Des villages entiers, accusés de coopération avec la Mouti Bahini, étaient ciblés. Et leurs habitants étaient tous liquidés. C'est la guerre outrance, donc. Hein. Cependant, pour être tout à fait honnête, il faut reconnaître que les Bengalis ont commis aussi des exactions, notamment contre ces Biharis, dont plusieurs milliers ont été tués au cours d'un massacre dans une usine textile. Et politiquement, alors, comment s'organise la résistance ? Son chef est incontestablement Cheikh Mujib, comme on l'appelle familièrement. Mais il est arrêté, très vite, et dès le début des massacres. Accusé de haute trahison, il est incarcéré dans une prison du Pakistan occidental. Toutefois, c'est en son nom que fin mars, le commandant Zia-ur Rahman proclame officiellement l'indépendance du Pakistan oriental, nommé Bangladesh, pays des Bengalis. Un gouvernement en exil est constitué le 10 avril par des leaders de la Ligue Awami à Calcutta. En Inde, donc. Et c'est aussi dans l'état voisin indien du Bengale que 9 millions de réfugiés bengalis orientaux affluent et s'installent dans des conditions épouvantables. Et justement, devant ce drame-là, comment réagit l'Inde ? Dès le début, elle apporte son aide à la Mouti Bahini. Des armes, un entraînement militaire pour ses soldats et même un soutien actif aux actions de guérilla. Mais au moins, dans un premier temps, ça ne va pas plus loin. D'abord parce que Indira Gandhi ne veut pas affronter le Pakistan sur deux fronts, à l'ouest et à l'est. Mais surtout parce qu'elle craint une éventuelle intervention des Chinois qui sont alliés au Pakistan. Elle adopte une politique attentiste. Oui, comme les massacres se poursuivent tout au long de l'année 1971, Indira Gandhi décidera d'agir. Toutefois, avant de voir ça de plus près, je vous propose de nous intéresser aux répercussions internationales de ce drame. C'est la guerre froide, je vous le rappelle. Si l'Inde est épaulée par l'URSS, le Pakistan est à la fois soutenu par les États-Unis et la Chine. La Chine qui est déjà fâchée avec l'URSS. Et hein. Qui a un contentieux frontalier avec l'Inde. Le contexte international est par conséquent très délicat. Et c'est particulièrement vrai pour Washington, qui est en train de négocier secrètement son rapprochement avec Pékin. C'est la grande affaire d'Henry Kissinger, le tout-puissant secrétaire d'État de Richard Nixon. Or, c'est le pouvoir pakistanais qui, depuis le début, facilite les travaux d'approche avec la Chine. Ah oui, alors donc pas question d'irriter le Pakistan. Mieux, on le soutient et on l'arme massivement tout en feignant la neutralité et en se refusant à voir la réalité des massacres au Bengale. Pourtant, il y a là-bas un consul, Archer Blood, qui rend compte à Washington et qui, phénomène exceptionnel en matière diplomatique, s'insurge vertement par écrit contre l'aveuglement américain. Et quand je parle d'aveuglement, je suis gentil. La première fois, il a dit Blood. Faudra... J'ai... Hein? Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui, grâce aux enregistrements effectués par Nixon dans le bureau ovale, que ce dernier et son secrétaire d'État plaisantaient grossièrement en évoquant les massacres des Bengalis. Des fils de pute, des connards pour Kissinger et pour Nixon, une putain de bande de musulmans bronzés. Quant à Indira Gandhi, ce n'était pour le président états-unien que la vieille sorcière ou la vieille salope. Mais bon, on savait que le langage de Nixon était fleuri, mais là, il s'est surpassé. Hein. Alors bien sûr, quand le consul de Dhaka s'indignait du fait que l'armée pakistanaise massacrait en employant des armes américaines, on n'en tenait pas compte et on le traitait même de dingue. D'ailleurs, dès le mois d'avril 1971, il est rapatrié. Un dernier exemple du cynisme du président américain quand il apprend que 150 000 réfugiés bengalis arrivent chaque jour en Inde. Nixon suggère, pourquoi ne les tue-t-il pas? Pourtant, à la même époque, l'opinion mondiale réagit à propos du drame bengali. Hein. C'est vrai. Des intellectuels et des artistes se mobilisent pour sensibiliser les opinions publiques occidentales sur la situation désespérée de cette toute jeune nation. Peut-être vous souvenez-vous du Concert for Bangladesh, premier concert de charité de l'histoire de la musique populaire, organisé au Madison Square Garden de New York par George Harrison. Mais reprenons le cours des événements. En décembre 1971, l'armée indienne pénètre au Bengale oriental. Ouais, ça, c'est la troisième guerre indo-pakistanaise. Hein. Et si Indira Gandhi se lance dans la bataille, c'est qu'elle craint aussi que des mouvements maoïstes débordent la Ligue Awami sur sa gauche et s'installent à ses frontières. En outre, elle a hâte de se débarrasser des deux pinces menaçantes du crabe pakistanais. Puis, il y a aussi l'espoir de voir un gouvernement ami prendre le pouvoir au Bangladesh. Un gouvernement qui resterait sous sa coupe. Ah ouais, c'est donc pour toutes ces raisons qu'elle va intervenir. Et aussi parce qu'elle a la certitude que les Chinois n'interviendraient pas militairement. L'armée indienne va donc lancer une attaque éclair à l'ouest, au nord et à l'est, en coordination avec l'armée des indépendantistes bengalis. Les Pakistanais sont rapidement vaincus. 10 jours après le début de l'offensive indienne, ils se rendent sans condition. Et par conséquent... Le Bangladesh devient libre. Et il faut bien observer que malgré l'efficacité des actions de guérilla, c'est bien l'entrée en action des forces indiennes qui a permis la victoire du mouvement de libération. Alors, comme je vous ai dit que ces événements vieux de 40 ans continuaient à empoisonner la vie du Bangladesh, voyons rapidement la suite. D'abord, dès janvier 72, Sheikh Mujib est libéré de sa prison pakistanaise et il devient le premier ministre de la République populaire du Bangladesh. Et le parti Jamaat-e-Islami est banni du pays. Oui, parce qu'il avait pris fait et cause pour le pouvoir central le pakistanais. Hein. En 1973, le nouvel État se dote d'une constitution fondée sur la démocratie, le nationalisme, le socialisme et le sécularisme. C'est-à-dire que toutes les religions sont traitées à égalité par les pouvoirs publics. Pourtant, ce dernier point ne tarde pas à être mis à mal. En 1974, le Bangladesh adhère à la conférence islamique. Mais le vrai tournant se produit en août 1975. Sheikh Mujib, le père de la nation, est assassiné par un groupe d'officiers. Et pour quelle raison? On lui reproche d'être socialiste et trop pro-indien. Ses successeurs sont issus de l'aile droite de la Ligue Awami, des gens qui n'ont pas combattu ou qui étaient même opposés à la partition. Mais c'est quand même un autre héros de l'indépendance, Ziaur Rahman, qui devient président. Il fait voter des amendements qui bouleversent les fondements du Bangladesh. Il incorpore dans le préambule de la Constitution la formule « Au nom d'Allah, le miséricordieux ». C'est l'abolition du sécularisme. Et dans la foulée, le Jamaat-e-Islami est de facto réhabilité. En 1981, Ziaur Rahman est assassiné à son tour à la suite d'un putsch. Le général Ershad prend le pouvoir et crée un nouvel amendement à la Constitution qui proclame l'islam religion officielle du Bangladesh. Encore un retour en arrière, là. Hein. Et le pays renoue avec les fondements religieux de la première partition. Ouais, entre l'Inde et le Pakistan. Oui. En 1990, Ershad démissionne. Les héritières des deux héros de l'indépendance vont dorénavant alterner au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire la Begum Khalida Zia, la veuve de Ziaur, et l'autre Begum, la Sheikha Hasina, la fille de Sheikh Mujib. L'une, la première, est conservatrice et proche des islamistes. L'autre cultive la mémoire patriotique des Freedom Fighters et prône une idéologie laïque et socialisante. En 2010, elle met en place un tribunal international des crimes, qui n'a d'international que le nom. Mais son rôle ? Il est chargé de juger les auteurs des atrocités commises par les supplétifs de l'armée pakistanaise. Après un silence de plus de 40 ans, donc. En effet. Mais le camp opposé, les islamistes, soupçonnent ce tribunal d'être partial et surtout de servir la politique de la Sheikha Hasina afin de s'assurer une victoire plus facile aux élections du début 2014, en mettant pas mal de leaders islamistes sous les verrous. Ben c'est vrai, oui. Oui, il y a sans doute un peu de ça. Au printemps 2013, 11 anciens razakars sont jugés. 4 d'entre eux écopent d'une condamnation à mort. Et ça provoque de graves affrontements entre la jeunesse laïque et le clan islamiste. Il y en a un qui sera pendu. Hein. Oui. On compte des dizaines de morts tout au long de l'année 2013. Ouais. Alors on retrouve donc la fracture qui existait au fond avant l'indépendance. Exactement. Il ne manque pas de personnes ou de partis pour souffler sur des braises qui, malgré ces 40 ans, n'étaient toujours pas éteintes. On l'a vu lors des dernières élections qui ont vu la fille de Mujibur gagner. Mais le pays est divisé, plus que jamais. Quelques lectures pour aller plus loin. Le Pakistan, sous la direction de Christophe Jaffrelot, et du même, chez Fayard, le syndrome pakistanais. L'excellent article de Jérôme Caudron dans la revue Outre-Terre. Et enfin, les crimes de Monsieur Kissinger, de Christopher Hitchens, aux éditions Saint-Simon. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous et réécouter ce programme qui a été préparé par Rebecca de Nantes, réalisé par Fabrice Lègle et mis en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, on va un peu dans la nature avec Denis Chessou.